Chapitre 44e. Ce qui arriva en vue d'Helgoland. Pendant les 6 semaines qui suivirent, Harry Clavering se remit à son travail dans son bureau avec une diligence exemplaire. Florence, après être restée 15 jours en ville et avoir accepté le présent de Lady Ongar, non sans en avoir longtemps délibéré avec sa belle-sœur, était retournée heureuse à Stratton. Mrs. Burton était à Ramsgate avec les enfants, et M. Burton était en Russie pour s'occuper d'une ligne de chemin de fer projetée entre Moscou et Astrakhan. On était au mois de septembre, et Harry écrivait à ses parents qu'il était seul à Londres. Cela lui paraissait dur, beaucoup plus qu'à Walliker et aux autres jeunes gens enchaînés par leur sort à leur bureau. Harry aimait la chasse et avait l'habitude de passer les mois d'automne dans une maison de campagne. Il n'avait tenu qu'à lui, s'il le voulut, de pouvoir aller chasser à Ongar Park avec une troupe d'amis. Mais il avait renoncé à ce privilège en renonçant à Lady Ongar. Maintenant, il fallait rester au bureau comme il l'avait promis. Il s'y tenait donc avec une louable assiduité malgré la chaleur, et bien que Walliker lui inspirât une mortelle aversion, il s'acquittait vaillamment de sa besogne. L'espoir lui revenait du reste. Qui pouvait dire si dans 10 ans, il ne serait pas chargé d'exécuter un chemin de fer russe dans les déserts de la Sibérie? Soudainement, il lui arriva des nouvelles qui dérangèrent tous ses plans et changèrent complètement sa destinée. Il reçut d'abord de la campagne un télégramme qui l'invitait à se rendre immédiatement à Clavering sans lui en donner aucune raison. On avait ajouté « Nous allons tous bien au presbytère ». Avant qu'il eût quitté son bureau, un jeune homme va le trouver de la part du banquier et de son cousin, Sir Hughes, et lui apprit l'événement qui avait sans doute motivé le télégramme. Le bateau de pêche de Jack Stewart s'était perdu en mer. Et les deux Clavering s'étaient noyés. Le pilote Stewart et un mousse avaient seuls survécu au reste de l'équipage. Stewart avait envoyé une dépêche au recteur de Clavering et une autre au banquier de Sir Hughes qui avait cru devoir en prévenir le cousin de son client. Harry n'avait jamais aimé ses cousins. Il détestait cordialement l'aîné et il méprisait trop le second pour le haïr. Il n'en fut pas moins affecté de cette nouvelle. Il en eut pendant quelque temps l'esprit troublé, et se rendait à peine compte des résultats qu'allait avoir pour lui cet événement. Il lui devenait impossible de rester au bureau. En partant, il assura au vieux commis qu'il serait de retour au plus tard dans 8 jours. Il dit un mot de l'accident qu'il venait d'apprendre, mais sans faire aucune allusion aux conséquences qu'il devait avoir pour lui. Ce ne fut qu'en arrivant chez lui qu'il comprit que son père était de nouveau baronnet et qu'il était l'héritier de son père. Il pensa un instant à la propriété laissée par son cousin. Elle revenait à son père. Il eut aussi une pensée pour la veuve, mais y avait-il lieu de la plaindre? Jamais femme n'avait été moins heureuse avec son mari que Lady Clavering. Sir Hughes avait eu quelques amis, mais en était-il un seul qui dût s'affliger de sa mort? Quant à Archie, qui donc s'apercevrait de sa disparition? Quelques membres de son club, pendant quelques jours, parleraient du pauvre Clavy, et puis ce serait fini. Harry faisait toutes ses réflexions en se rendant à Clavering, mais il avait l'âme trop haute pour se réjouir du malheur de ses parents et des nouvelles perspectives que ce malheur lui avait ouvertes. Un instant, pourtant, il se prit à penser à la manière dont Florence porterait ses nouveaux honneurs quand elle serait Lady Clavering. La nouvelle était arrivée la veille au presbytère quand le recteur était déjà couché. C'était à lui d'annoncer la chose à Lady Clavering, mais il ne pouvait le soir même. Lui et sa femme dormirent peu cette nuit-là. Ils ne pouvaient sans émotion se voir devenus baronnets et possesseurs de toute la propriété de Clavering. Puis il se prit à penser au prochain déménagement du presbytère à la grande maison, à la nouvelle position de son fils et au nouveau genre de vie qu'il allait choisir pour lui-même. Avant que le jour fût arrivé, il avait songé à se nommer un remplaçant dans la paroisse et à la possibilité de reprendre ses parties de chasse. Lui aussi n'avait jamais aimé ses cousins. Mais il avait de l'affection pour Lady Clavering, et en parlant d'elle à sa femme, il ne put s'empêcher de dire que le bonheur d'Hermione allait commencer avec son veuvage. « Elle sera atterrée par ce coup, » dit Mrs. Clavering. « Elle l'aimait autant que s'il l'eût toujours traitée avec bonté. »« Je le crois, mais elle ne s'en trouvera pas moins affranchie, et la vie lui deviendra graduellement plus douce. »« Je suppose que Harry va se marier tout de suite, » dit la mère. « Sans doute. C'est presque dommage, n'est-ce pas ?» Le recteur pensait que Florence était à peine une épouse convenable pour son fils dans sa nouvelle position. Comme c'eût été heureux, si l'on avait pu réunir la propriété de Clavering avec le domaine de Lady Ongar. Je ne suis pas du tout de cet avis. Vous verrez que Florence le rendra très heureux. Je l'espère. Si elle le rend heureux, c'est l'essentiel. Je n'ai jamais beaucoup tenu à l'argent pour moi-même, et si je me réjouis de ce qui vous arrive, c'est surtout pour Harry. J'aimerais autant rester comme je suis. Cela pouvait être vrai, mais le recteur n'en pensait pas moins à la grande maison et à ses parties de chasse. « Qu'est-ce que vous allez faire du bénéfice ?» lui demanda Mrs. Clavering le grand matin. Tous deux y avaient pensé pendant la nuit, mais en sens fort différent. « Comptez-vous, ajouta-t-elle, le conserver pour vous ?»« Je ne crois pas. Je suis déjà assez paresseux dans l'état actuel. Je ne pourrais que le devenir davantage. » Clavering, a-t-il ajouté, est bien meilleur que Hambleton. C'était le nom de la paroisse desservie par son gendre, M. Fielding. Mais le projet mis en avant par le recteur n'entrait pas du tout dans les idées de sa femme. Édouard et Marie, dit-elle, sont parfaitement à leur aise. Édouard a une fortune personnelle et ils n'ont besoin de rien. Pour moi, je pensais à M. Saul, dit-elle d'un ton résolu. À M. Saul ? L'image de M. Saul se dressant devant l'esprit du recteur, il produisait une impression des plus désagréables. « Mais oui, c'est un excellent clergyman, personne ne dira le contraire. » Il y eut un moment de silence, après quoi elle continua. « Dans ce cas, Fanny et lui pourraient se marier. Il est inutile de cacher qu'elle est sérieusement amoureuse de lui. »« Sur ma parole, je ne puis pas comprendre cela, » dit le recteur. « C'est pourtant vrai, et quant à l'excellent caractère de M. Saul, il n'y a pas un mot à redire. » Le recteur ne répondit pas, mais se rendit dans son cabinet de toilette et se prépara à sa visite à la grande maison. Lady Clavering avait passé la nuit sans se douter de ce qui était arrivé. M. Clavering redoutait la tâche qu'il avait à remplir et avait voulu s'en décharger sur sa femme. Mais celle-ci lui avait conseillé de remplir ce devoir lui-même. Elle avait peu d'exemples que le recteur eût manqué de suivre les conseils de sa femme. Il était environ 8 heures quand il traversa le parc. Déjà, il avait fait prévenir Lady Clavering de son arrivée, voulant la préparer un peu au coup qu'elle allait recevoir. Elle l'attendait dans son petit salon depuis une demi-heure. « Monsieur Clavering, qu'est-ce que c'est ? » s'écria-t-elle quand il entra et qu'elle put lire une triste nouvelle sur son visage. « Au nom du ciel, qu'est-ce que c'est ? Vous avez quelque chose à me dire au sujet de Hughes ?»« Chère Hermione, » lui dit-il en la prenant par la main. « Qu'est-ce que c'est ? Dites-le-moi tout de suite, vit-il encore ?» Le recteur se tut. Il avait cherché en route les mots qu'il emploierait pour annoncer la nouvelle, mais les mots ne lui arrivaient pas. « Il est donc mort ? Pourquoi ne parlez-vous pas ? Vous êtes bien cruel. Chère Hermione, que puis-je dire pour vous consoler ?» Mais ce qu'il put dire importait peu, car elle venait de s'évanouir. Il agita la sonnette et quand les domestiques furent venus, il leur apprit ce qui était arrivé à leur maître. Et le capitaine Archie ? Demanda la vieille femme de charge. Le recteur secoua la tête et elle comprit tout. Ils transportèrent la pauvre veuve dans sa chambre à coucher et le recteur, prenant son chapeau pour repartir, promit d'envoyer sa femme auprès de Lady Clavering. Sa tâche avait été pénible, mais il s'en était acquitté sans trop de peine. En retournant chez lui à travers les beaux chênes du parc, il se dit sans doute que désormais tout cela lui appartenait. La journée se passa tristement au presbytère. Mrs. Clavering resta la plus grande partie de la matinée avec la pauvre veuve et écrivit plusieurs lettres aux parents et amis de la famille. La plus longue de ces lettres fut adressée à Lady Ongar, que de la part d'Hermione, elle prit instamment de venir à Clavering Park. « Mais comment puis-je l'inviter à venir ici ? » dit Lady Clavering en se ravisant, « puisque la maison ne m'appartient plus. » « Je vous en prie, ne parlez pas ainsi, Hermione. Cette maison sera vous aussi longtemps que vous voudrez y rester. » Les parents de votre mari ne sont-ils pas vos amis ? Mais cette allusion à son mari fit de nouveau couler ses larmes. Morts tous deux ? S'écria-t-elle, pensant à son mari et à son enfant. Car du pauvre Archie, pas un mot n'avait été prononcé devant elle. Seule la femme de charge s'en était informée. En rentrant le soir au presbytère, Mrs. Clavering y trouva son fils. Déjà, il avait échangé quelques mots avec son père. Le recteur avait épuisé toute la liste des épithètes exprimant la surprise, le chagrin, l'horreur en parlant de l'accident arrivé à ses cousins, puis l'avait ajouté « Cela va faire un grand changement dans votre situation et dans votre genre de vie. vous êtes presque aussi jeune que moi. Le pensez-vous vraiment? J'étais aussi jeune à l'époque de votre naissance. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais ce n'est pas moi que je pense dans cette affaire. Je suis trop vieux pour changer de manière de vivre. Je ne sais pas trop, à vrai dire, ce que je devrais faire. Votre mère dit que je ferais bien de quitter le bénéfice. Si vous étiez dans les ordres, Harry, je n'y suis pas, et j'en suis bien aise. Je vous crois, et après tout, ce n'est pas nécessaire. Quant à la propriété, vous en ferez bien à peu près ce que vous voudrez. Je ne veux pas m'en mêler. Je crois que si, mon père. La position vous paraît étrange à présent, mais vous vous y habituerez. Savez-vous s'il a fait un testament? Cela ne pourrait faire aucune différence. Toute la propriété est substituée. Hermione aura ses 800 livres de rente. Elle ne sera pas aussi riche que sa sœur. Je me demande où elle va aller demeurer. Si elle tient à habiter la maison, ni moi ni votre mère n'y ferions aucun obstacle. Harry ne fit aucune question au sujet du bénéfice, mais il y avait pensé. Il savait que sa mère favoriserait M. Saul et que son père céderait à l'influence de sa femme. Il n'en voulait aucunement à M. Saul, mais il ne pouvait comprendre comment sa sœur avait pu s'amouracher d'un tel homme. Edward Fielding serait un voisin plus agréable au presbytère, et il se demandait s'il n'y aurait pas moyen de faire un échange. Avant le retour de sa mère, il fit avec Fanny un tour dans le parc. Sa sœur refusa absolument de causer sur la situation nouvelle de la famille. Le tragique événement qui venait d'arriver la préoccupait trop pour qu'elle pût en apprécier les heureuses conséquences pour elle et les siens. Harry trouva sa conversation peu intéressante et tâcha de se distraire en regardant les chênes du parc. Ces vieux arbres lui paraissaient plus grands qu'auparavant. Le surlendemain, le recteur partit pour Londres. Il fallait voir les Chandelois et procéder à une enquête régulière sur la mort de ses deux neveux. Le fait en lui-même n'était pas douteux. Surpris par un coup de vent en face d'Helgoland, le vaisseau qui les portait avait coulé à fond. Quelques-uns des passagers s'étaient sauvés dans la barque du yacht, d'autres s'étaient attachés à des planches, mais le possesseur du bateau avait vu périr les deux frères Clavering. Ni l'un ni l'autre n'avait fait de testament. Le pauvre Archie n'avait rien à léguer. Sir Hughes, n'ayant pas d'enfant, n'avait pu disposer par testament d'une propriété substituée. Après avoir passé 3 jours en ville, le recteur revint en pleine possession du titre de baronnet, mais il ne le prit que le second dimanche après l'arrivée de la nouvelle. Dans l'intervalle, Harry avait écrit à Florence pour qui cette nouvelle avait autant d'intérêt que pour personne autre. Elle était revenue de Londres, triomphante et tout à fait persuadée qu'elle n'avait plus rien à craindre de Lady Ongar ou de toute autre femme au monde. Elle avait pardonné à Harry tous ses torts. Elle en était même venue à croire qu'il n'avait eu aucun tort et s'était maintes fois disputée avec son frère, qui ne voulait pas partager là-dessus sa manière de voir. En prenant congé de Harry, elle avait fixé à 2 ans la date de leur mariage. « Nous verrons alors », lui avait-elle dit, et Harry avait dû se soumettre. Mais maintenant, qu'allait-elle dire ? Harry commença par lui raconter dans sa lettre la catastrophe où avaient péri ses 2 cousins. Il le fit avec tout l'accompagnement voulu d'épithètes employées en pareille circonstance et dépeignit le deuil de la veuve et de toute la famille. Puis il aborda la question qui le touchait de près. « Je ne puis m'empêcher, lui disait-il, de songer au changement que cet événement apporte à votre situation et à la mienne. Je crois que je vais quitter mon bureau. Mes parents s'accordent à dire que je dois renoncer aux affaires. Comme je suis fils unique, la propriété de Clavering me permettra de vivre sans que j'exerce aucune profession. Quand je parle de moi, vous comprenez ce que je veux dire. La meilleure moitié de moi-même est une personne si prudente qu'elle n'approuvera peut-être cette réflexion qu'après une considération sérieuse. Il importe donc qu'elle vienne à Clavering pour discuter cette question avec les grands-parents. Pour moi, je ne saurais me réjouir du grand malheur arrivé à mes cousins. Mais puis-je ne pas m'estimer heureux à la pensée que nous pouvons désormais nous marier sans délai? Je ne puis désormais être complètement heureux que lorsque vous m'appartiendrez tout à fait. Ma mère vous attend ici dans 15 jours et vous écrira à ce sujet. J'écris à votre frère à son bureau. J'écris aussi à Cécilia. » Il avait ajouté ensuite un tout petit mot sur la position future qu'ils occuperaient tous les deux. Il lui avait donné à entendre qu'elle pourrait bien un jour être la mère d'un futur baronnet. Puis il continuait. Le dimanche qui suivit l'arrivée de la dépêche, le recteur resta chez lui toute la matinée, et laissa M. Saul le soin de célébrer le service tout entier. Pas un mot ne fut dit à l'église au sujet du fatal événement. Mais le dimanche suivant, M. Fielding était arrivé de Humbleton, et dans son sermon, il s'étendit sur la perte qu'avait faite la paroisse dans la personne des deux frères Clavering. Peut-être était-il bon de ne pas laisser passer, sans cette marque de sympathie, la mort du baronnet. Cela était dû aussi un peu à la personne de sa veuve, mais il m'en eût coûté de faire le panégyrique de ces deux hommes. Ni l'un ni l'autre n'avait rien fait pour mériter ou l'estime des hommes ou l'amour d'une femme. L'égoïsme avait été le mobile de leur vie entière. Jamais, peut-être, ils n'avaient volontairement contribué au bien-être de leurs semblables. Hughes avait tyrannisé tous ceux qui dépendaient de lui. Archie, d'un caractère moins énergique, s'était montré tout aussi égoïste. Je me serais donc senti fortement tenté de féliciter la paroisse d'en être délivré, de chanter un hymne d'action des grâces pour leur mort. Ou bien, je n'en aurais pas parlé du tout. Mais ce ne fut pas dans ce sens que s'exprima le jeune prédicateur qui n'éprouva pas le moindre embarras à traiter un pareil sujet. Il avait une parole élégante et facile, et savait pleurer en chair, sinon faire pleurer les autres. Il peignit le navire en détresse sur la mer furieuse et les eaux soulevées par la colère de Dieu. Mais de la cause qui avait provoqué cette colère, il ne dit pas un mot. Puis, il appuya sur l'incertitude de la mort et sur la nécessité d'être toujours prêt à paraître devant Dieu. Enfin, il arriva au maître et seigneur que les paroissiens avaient perdu et implora leur pitié pour la veuve affligée. Qui d'entre eux ne se rappelait avec affliction l'enfant qu'elle avait perdu, avec respect le mari dont elle déplorait la mort? Question facile à faire parce que personne ne pouvait se lever pour y répondre. Le fermier Govins, qui avait écouté avec une attention profonde, se sentit légèrement ému pendant un instant. Mais cela dura peu, et son esprit se reporta sur d'autres pensées. Le recteur, son nouveau maître, était bon et généreux, et il serait agréable d'avoir affaire à lui. Il laissa M. Fielding pleurer sur l'ancien maître et se félicita intérieurement des douceurs du nouveau règne qui commençait. M. Fielding resta au presbytère la plus grande partie de la semaine suivante, et dès lors commencèrent les délibérations au sujet du futur des servants de la paroisse. Fanny n'était pas admise à ses conseils de famille. Mrs. Clavering, qui savait bien s'y prendre, habituait graduellement le recteur à entendre prononcer le nom de M. Saul. 20 fois il avait affirmé que la chose lui paraissait incompréhensible, mais cette chose incompréhensible était un fait. Sa fille Fanny était amoureuse de M. Saul, et cela au point de faire croire à sa mère que le bonheur de sa fille dépendait de ce mariage. « Sur ma parole, je n'y comprends rien, » dit le recteur pour la dernière fois, et il finit par céder. Il lui était désormais possible de doter convenablement les deux époux, et il promit de le faire. M. Fielding ne voulut pas entendre parler d'échanger sa paroisse contre Clavering. Il se trouvait bien où il était. M. Saul était un excellent clergyman, mais son oncle ne voudrait peut-être pas l'accepter comme des servants de Humbleton. Il fut donc décidé que M. Saul serait le futur recteur de Clavering. En attendant, la pauvre Fanny languissait, séchait sur plantes, et ne soupçonnait pas le bonheur que sa mère travaillait à lui assurer, et M. Saul faisait activement ses préparatifs pour son prochain départ.